C'est l'heure de retrouver Franck Ferrand aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 22 février avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 22 février 1877, Raphaël, nous sommes au Japon. Ce jour marque la fin des samouraïs, figurez-vous. Les samouraïs, ces guerriers japonais aux armures magnifiques et au sens de l'honneur implacable. Et pourquoi disparaissent-ils ? Mais parce qu'ils sont d'un autre âge. Ce sont un peu les dinosaures, si vous voulez. C'est un type d'aristocratie militaire qui n'a pas du tout évolué, disons-le. Et face à la modernisation du pays, à cette époque, en cette fin du 19e siècle, ils ne sont plus légitime. L'ère Meiji a ouvert l'archipel au monde extérieur et eux restent la quintessence du vieux système féodal et des structures sociales traditionnelles. Leur rang, leurs privilèges ne résistent pas à ce changement d'époque et leur révolte était inéluctable, révolte qui annonce leur fin. Donc, les samouraïs vont disparaître en se battant contre des Japonais. Oui, exactement. Ils sont menés par Takamori Saigo, qui est un ancien ministre de l'empereur du Japon. Il a créé une région indépendante et rebelle à Kagoshima. On est là tout à fait au sud du pays. Et évidemment, le gouvernement impérial n'a pas l'intention de laisser faire. C'est l'affrontement. Ce 22 février 1877, Saigo attaque avec ses samouraïs le château de Kumamoto, une ville de garnison de l'armée impériale. Extraordinaire château d'ailleurs. Bref, l'attaque commence bien pour les rebelles, mais après deux jours d'assaut, ce château continue de tenir bon. Saigo a sous-estimé ses adversaires. Le siège va durer deux mois et à la fin, eh bien, les rebelles sont obligés de battre en retraite. Pas de baroud d'honneur. Ils ont disparu comme ça. Il y aura encore quelques batailles héroïques jusqu'en septembre, mais les samouraïs sont d'ores et déjà battus. L'ultime confrontation a lieu sur le mont Shiroyama. Saigo, blessé, va devoir s'infliger le seppuku, vous savez, le suicide rituel des samouraïs. C'est cet épisode de rébellion qui a inspiré notamment le film avec Tom Cruise, Le Dernier Samouraï. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour évoquer une histoire de l'histoire d'une certaine façon, puisque nous parlerons de la découverte de la notion de dérive des continents. À